إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هذه السلسلة أو هذه السلسلة من الدروس باللغة الفرنسية، فأعتذر لي للذين لا يفهمون اللغة الفرنسية. Donc on suit ces cours inshallah en langue française de l'explication des 40 hadiths concernant les droits du Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes arrivés au 9e hadith. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet subhanahu wa ta'ala de s'asseoir dans ce type d'assises. Dans les assises où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, dans les assises où les anges sont assis avec nous, dans les assises par la cause desquelles Allah ta'ala nous évoque dans des cercles encore meilleurs. Et il n'y a qu'après la mort qu'on verra la vraie valeur de ce type d'assises. Comme nous l'avons dit la fois dernière, et cela n'est pas inutile de le rappeler, quand on vient dans ce type d'assise de science, avant tout on recherche la guider. On recherche à purifier nos cœurs. On recherche à ce que ce que l'on écoute s'ancre dans nos poitrines et nous pousse à agir, à aimer plus Allah, à craindre plus Allah, à penser à plus à l'au-delà, à mieux connaître les droits d'Allah et mieux les mettre en pratique. Et non pas accumuler des informations comme aujourd'hui la majorité des gens le font. La science, ce n'est pas accumuler des informations. La science, c'est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans la poitrine d'une personne, comme a dit l'imam Malik rahimahullah. C'est pour cela que ce n'est pas toute science qui est bénéfique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection contre une science qui n'est pas bénéfique. La science bénéfique, c'est celle qui nous permet de mieux connaître Allah, ses droits, sa religion, ses lois, ce qui nous aide à nous corriger, à donner le droit des gens. Amma, si c'est juste accumuler des connaissances qui seront, ou bien des informations qui seront un témoin contre nous le jour du jugement dernier, alors il n'y a pas d'utilité. Al hadith at-tasi' an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allah man la'ana walidayhi aw man la'ana walidah wa la'ana Allah man dhabaha li ghayrillah ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. Le 9e hadith de ce recueil C'est le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le quatrième calife de l'islam, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des 10 promus au paradis, un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie, après Abu Bakr et Omar et Uthman, le meilleur des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leur vertu, comme disent les gens de la Sunna, est dans l'ordre de leur calife. La vertu de ces quatre compagnons est dans le même ordre que dans leur califat, c'est-à-dire Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman, puis Ali, radiyallahu anhum, ajma'in. Donc, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé de ces quatre paroles. Qu'Allah maudisse celui qui maudit son père. Dans une autre version, ses parents. Qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Qu'Allah maudisse celui qui abrite ou agrée un criminel. Dans une autre version, un innovateur. Qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. Dans ce hadith, Ali ibn Abi Talib rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre ces quatre catégories de personnes. Il a invoqué la malédiction d'Allah contre eux. La malédiction d'Allah, cela signifie être exclu et éloigné de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la malédiction des créatures, c'est quand les créatures insultent une personne ou invoquent contre lui, contre quelqu'un. Donc parmi ces personnes contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction d'Allah, il y a celui qui insulte son père ou ses parents. Ou bien en les insultant directement, ou bien en poussant, en étant la cause pour que les gens les insultent. Comment cela? Lui, il insulte les parents de quelqu'un, cette personne insulte ses parents. Donc quand lui, il a été la cause que cette deuxième personne insulte ses propres parents, ou son père, ou sa mère, c'est comme si lui-même avait insulté ses parents. Qu'Allah maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Qui que soit cette autre personne, ou quelle que soit cette chose pour laquelle le sacrifice a été fait. Que ce soit un ange, un djinn, un prophète, un homme vertueux, un arbre, une pierre, un sorcier, peu importe. Tout sacrifice qui est fait pour autre qu'Allah et du polythéisme majeur, de l'associatrie. Car le sacrifice est une adoration. Allah Ta'ala dit فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Et prie pour ton Seigneur et sacrifie. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Dis, ma prière, mon sacrifice ou mérite. Ma vie et ma mort sont pour Allah le Seigneur des mondes qui n'a pas d'associé. Et on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudit celui qui fait un acte, cela montre que cet acte est un grand péché, un péché majeur. Que cela soit un péché majeur qui soit de l'associatrie ou du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam ou non, comme le fait d'insulter ses parents, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est un péché majeur. Alors que sacrifier pour autre qu'Allah est aussi un péché majeur, mais qui fait sortir de l'islam, car c'est de l'associatrie du polythéisme majeur. Parmi les grands péchés aussi, contre lesquels et pour lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui le fait, celui qui abrite, qui agrée, qui défend un criminel ou un innovateur. Car muhditan avec une kasra, c'est il y a muhditan ou muhdatan. L'un veut dire le criminel, celui qui a fait l'acte, alors que muhdas avec la fatha sur le dal, c'est toute chose inventée en religion. Toute chose inventée en religion, une innovation. Donc, que la personne abrite et agrée un criminel ou un innovateur, ou bien qu'il agrée et qu'il défende une innovation, il rentre sous cette menace d'être sous la malédiction d'Allah, éloigné de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi cela? Car tout croyant qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui s'allie pour Allah, qui se désavoue pour Allah, qui prend comme allié pour Allah et qui prend à partie comme adversaire pour Allah, il n'est pas possible qu'il défende un criminel ou un innovateur, quelqu'un qui fait du mal aux gens ou qui fait du mal à la religion des gens. S'il le fait, il commet en cela un grand péché et il encourt cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre lui, qu'il soit maudit par Allah. Ça va nous en préserver. Et la quatrième catégorie qui est citée dans ce hadith, c'est celui qui change les délimitations de la terre, c'est-à-dire qui vole les morceaux de territoire des autres. Il grappille des délimitations de ses voisins et leur vole des parties de leur, terrain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la malédiction d'Allah contre cette personne, car il a mangé injustement le droit d'autrui, les biens d'autrui. Donc on voit dans ce hadith la gravité de ces quatre actes et qu'ils font partie des grands péchés. Les grands péchés sont beaucoup plus nombreux que ce que les gens pensent. Comme l'a dit Ibn Abbas quand il a été questionné sur les grands péchés, est-ce qu'ils sont au nombre de 70 ? Il a dit ils sont plus proches de 7000 que de 70. Mais il a cité une règle importante. Un grand péché ne reste pas grand, c'est-à-dire il est effacé, ma'al istighfar, avec la demande de pardon. Wala saghirata ma'a israr. Wala saghirata ma'a israr. Et le petit péché ne reste pas petit quand quelqu'un le fait constamment. Car quand il le fait constamment, c'est qu'il ne donne pas de la valeur aux délimitations, aux limites sacrées d'Allah. Donc ce manque de respect pour les limites sacrées d'Allah fait qu'il se transforme en grand péché. Qu'Allah nous en préserve. Quelle est l'importance de connaître les grands péchés par rapport aux petits? Car les grands péchés, Allah Ta'ala a garanti pour celui qui s'éloigne des grands péchés qu'il lui effacera ses petits péchés et il le fera entrer dans une demeure honorable. Dans une demeure honorable. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Donc, quand on sait cela, il est important de connaître les grands péchés pour s'en éloigner, pour espérer gagner cette vertu, cette promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est de pardonner les petits péchés et de nous faire entrer au paradis. Et le plus grand des grands péchés est l'association, le polythéisme, le shirk. Et c'est pour cela qu'il est important aux musulmans de connaître le tawhid, le monothéisme pur, pour le concrétiser, et de connaître le shirk pour s'en éloigner. Car c'est le pire des grands péchés. Le dixième hadith, le hadith al-ashir, عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر أو لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح صححه ابن الملقن في البدر المنير. Le dixième hadith, le hadith de Thabit ibn al-Dhahhak رضي الله عنه. Thabit ibn al-Dhahhak ibn Khalifa ibn Tha'labah ابن عدي الأشلي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه un compagnon bien connu qui décéda en l'an 64 de l'Hégire رضي الله عنه وعن بقية الصحابة. Rapporte donc Thabit ibn al-Dhahhak رضي الله عنه rapporte un homme formula le vœu de sacrifier un chameau à un endroit nommé Bouwana. Il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: est-ce qu'en cet endroit se trouvait une idole adorée pendant la Jahiliya, pendant l'époque pré-islamique, anti-islamique? Ils dirent non. Il dit alors: y célébrait-on une fête parmi les fêtes des païens ou pré-islamiques? Ils répondirent que non. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: accomplis ton vœu, car on n'accomplit pas de vœu dans la désobéissance à Allah, ni dans ce que le fils d'Adam ne possède pas. Ce hadith, il nous raconte, dans ce hadith, Thabit ibn al-Dhahhak nous raconte qu'un homme a voulu sacrifier pour Allah. Pour Allah. Donc il a voulu faire un sacrifice pour Allah dans un endroit précis. Il a fait un vœu. Le vœu, c'est un acte d'adoration non obligatoire à la base que la personne s'impose à accomplir. Quand il se l'impose, quand il fait vœu de l'accomplir, l'accomplir cela devient obligatoire. Sauf, comme on le voit dans le hadith, si c'est dans une désobéissance à Allah, dans ce cas-là, il ne le mettra pas en pratique. Ou bien dans une chose qu'il ne possède pas. Par exemple, la personne dit: je fais vœu de faire don de tous les biens de Bilal. Ça ne m'appartient pas. Comment je peux faire vœu de faire don de tous les biens de Bilal? Ce n'est pas possible. Donc, si une personne fait un vœu en dehors de la désobéissance d'Allah et dans une chose qu'il possède, il lui est dans ce cas obligatoire de le mettre en pratique. Mais c'est une chose qu'il s'est imposée à lui-même. À la base, Allah ne lui avait pas imposé. Mais à partir du moment où il a fait le vœu, il faut qu'il mette en pratique son vœu. On voit dans ce hadith, donc cette personne, il a fait un vœu de se dégorger pour Allah, donc il veut faire une adoration. On voit ici que sacrifier pour Allah est une adoration. Il veut faire cette adoration pour Allah. Dans un endroit précis, Bouwana, c'est une colline proche de Yanbu'a. En Arabie, c'est une colline qui est proche de Yanbu'a. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a voulu en savoir plus avant de lui donner l'autorisation de le faire. La première question qu'il lui a posée, c'est: est-ce que dans cet endroit-là, il y avait une idole qui était adorée auparavant? Il ne lui a pas demandé: est-ce qu'il y a une idole qui est adorée actuellement? Même avant. Même si maintenant il n'y a plus d'idole qui y est adorée, mais avant. Il a dit non. Ils lui ont dit non. Est-ce qu'il y avait auparavant, pas maintenant, auparavant, une fête parmi les fêtes des gens de l'époque pré-islamique, de Jahiliyyah, qui ait été pratiquée? Ils lui ont répondu non. Une fête, l'Eid, en langue arabe, c'est une chose qui revient, Ya'oudou. Ou bien c'est une chose qui revient dans le temps, qui est répétée dans le temps, chaque année, chaque mois, chaque deux mois, chaque deux ans. Donc, dès qu'on le répète dans le temps, cela s'appelle une fête. Eid. Ou bien, on y revient constamment. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La taj'alu qabri eidan » Ne faites pas de mon tombeau eidan, un lieu de fête. Mais ce n'est pas la fête comme les gens croient, le fait de fêter, non. C'est-à-dire, ne venez pas visiter tout le temps, constamment, mon tombeau, pour en faire un rite. Comme si c'était un rite de venir le visiter constamment, tout le temps. Comment on comprend cela? Car après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa sallu alayya haythuma kuntum » et priez sur moi. Faites des éloges sur moi où que vous soyez, car vos éloges me parviennent. Allah me fait parvenir vos éloges. Donc l'Eid, ce que l'on considère une fête en islam, un Eid, on prend deux points, deux choses en considération pour la considérer comme une fête. Ou elle se répète dans le temps, ou bien les gens répètent sa visite de cet endroit. Ils visitent constamment cet endroit. Et ni l'un ni l'autre ne sont permis. Les seules fêtes que l'on a sont deux. La fête du sacrifice, qui se répète dans le temps, chaque année, et la fête de la rupture du jeûne. Il y a une fête hebdomadaire, le vendredi, mais il n'y a rien de spécial à y faire à part le fait qu'on prie la prière du vendredi et qu'on ne jeûne pas spécifiquement ce jour-là. Et on s'embellit pour la prière du vendredi, comme pour les jours de fête. Donc c'est la petite fête, on va dire, hebdomadaire. Mais sinon, annuellement, on a deux fêtes. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a questionné sur cela. Pourquoi? Pour fermer toutes les portes qui peuvent mener au polythéisme. Par exemple, dans cet endroit, il y a 100 ans, il y a 200 ans, les gens avaient l'habitude d'adorer une idole et d'y sacrifier des bêtes pour cette idole. Lui, il vient et sacrifie pour Allah. Quelqu'un dont ses ancêtres sacrifiaient à cet endroit, ils se sont passé le mot. Cet endroit est pour eux béni. Il y a une idole qui protège cet endroit, par exemple, je ne sais quoi, les fables que les gens racontent. Et ils vont voir cette personne sacrifiée en cet endroit. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'ils sacrifient pour cette idole. N'est-ce pas? Voilà pourquoi le musulman n'a pas l'autorisation de faire une adoration pour Allah qui ressemble à l'adoration des gens qui adorent autre qu'Allah dans le même droit que ces gens adore autre qu'Allah, dans le même endroit, dans le même lieu où ces gens adorent autre qu'Allah. Mais si, alors certains vont poser la question sur le fait, par exemple, qu'un musulman prie en cas de nécessité dans une église, par exemple, est-ce que c'est permis? Dans l'église, les gens adorent autre qu'Allah, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est rapporté des Sahaba que certains ont déjà prié dans des églises. Comment on répond à cela? Allez, participez un petit peu. Oui. Oui. Parce qu'en apparence, la prière du musulman, elle est différente de ce que eux ils font. Donc on comprend qu'ils ne font pas la même adoration. À condition bien sûr que les images, les idoles soient cachées. Si c'est possible. Quand, et bien sûr, il n'y a pas d'autre endroit où prier. Mais sinon, à la base, un musulman évite de rentrer dans ces endroits-là pour ne pas tromper les autres. Car cela peut tromper les gens. Si on voit un musulman entrer dans des lieux d'adoration où autres qu'Allah sont adorés, les gens vont croire qu'ils n'y voient pas de mal, qu'il n'y a pas de mal à cette pratique qu'ils font. Ils peuvent croire cela. Donc c'est dangereux. C'est pour ça qu'on ne rentre pas sauf en cas de nécessité. Ça a déjà été rapporté par les Sahaba que dans la nécessité, ils n'avaient pas d'autre endroit. Ils ont déjà prié dans des églises. Pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Yeah. Donc, on a parlé de cet endroit. Il a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que dans cet endroit, il y avait une idole adorée en dehors d'Allah? Et est-ce que dans cet endroit, il y avait une fête qui était fêtée parmi les fêtes de l'Jahiliya? L'Jahiliya, c'est tout ce qui est contraire à l'islam. Ce n'est pas seulement lié à l'époque anti-islamique, avant l'avènement de l'islam. Même ce qui vient après et qui est contraire aux enseignements de l'islam, c'est considéré comme Jahiliya. Donc quand on lui a répondu non aux deux questions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Accomplis ton vœu. Accomplis ton vœu, car on n'accomplit pas un vœu dans la désobéissance d'Allah, ni dans ce que ne possède pas le fils d'Adam. » On voit dans ce hadith que le mufti c'est celui qui répond à une question, quand il est questionné. Avant de répondre à une question, il a le devoir de bien comprendre la situation de la personne et de demander des détails pour que sa réponse soit adéquate, soit appropriée à la situation de la personne. On voit dans ce hadith que l'islam appelle à fermer toutes les portes qui peuvent mener de près ou de loin au mal et au plus grand mal qui est le polythéisme, l'association. Cette personne, elle voulait égorger pour Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assuré que l'endroit où il allait égorger n'était pas un endroit où une idole était adorée en dehors d'Allah. Ce hadith nous montre aussi qu'il faut délaisser toute ressemblance aux polythéistes et surtout dans leurs adorations et dans leurs fêtes, même si l'intention profonde n'est pas de les imiter. Même si l'intention profonde n'est pas de les imiter. On doit s'éloigner d'eux, de leur ressembler dans les choses qui sont spécifiques à eux et encore plus spécifique ce qui est propre à leur religion et à leur croyance et à leur pratique culturelle. On voit dans ce hadith que de mettre en pratique son vœu quand c'est dans une obéissance d'Allah, c'est obligatoire. Bien qu'à la base, il n'est pas demandé à un musulman de faire le vœu, de faire un vœu. Il suffit aux musulmans d'obéir à Allah. Il ne lui est pas demandé de s'imposer des choses. Et souvent, les gens font cela d'une manière malsaine. Comment cela? Ils croient qu'avec Allah, tabaraka wa ta'ala, ça marche comme avec les commerçants. Je te donne, si je te donne, tu me donnes. Ya Allah, si je réussis mon examen, je jeûne 3 jours. C'est comme si tu penses qu'Allah est avare. Il ne va pas te donner si tu ne jures pas de faire une adoration. Demande à Allah sans faire vœu. Ya Allah, facilite-moi de réussir mon examen, tout simplement. Tu n'as pas besoin de faire un vœu. Beaucoup de gens du commun croient que sans faire un vœu, leurs invocations ne peuvent pas s'exaucer. Il faut obligatoirement faire un vœu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette manière d'agir est la manière de retirer d'un avare. Aussi, l'avare, c'est cette personne. C'est-à-dire, il ne donne rien à Allah tant qu'Allah ne lui donne pas en retour. Comme si Allah ne méritait pas qu'on l'adore. Subhanahu wa ta'ala. Sans rien en retour. Car il mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Le 11e hadith, qui est le 3e que l'on voit ensemble aujourd'hui, incha'Allah. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. النعمان بن بشير رضي الله عنه أدي لمسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي l'invocation et l'adoration même. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je répondrai à votre appel. L'invocation, la dua, c'est le fait d'appeler, d'invoquer, d'implorer Allah tabarak wa ta'ala. Celui qui invoque autre qu'Allah dans une chose pour laquelle seul Allah est capable, alors il a adoré autre qu'Allah. Il a donné un associé à Allah tabarak wa ta'ala dans son adoration. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dans le sens, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Ceux qui par orgueil se refusent de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Allah Ta'ala a parlé ici de l'invocation. Celui qui délaisse l'invocation, comment Allah l'a appelé ? L'adoration. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer. Ce qui prouve le même sens que ce hadith, que l'invocation et l'adoration même. Et l'adoration même. Il y a une autre variante de ce hadith qui est faible, qui dit que l'invocation, c'est l'essence même de l'adoration. Mais ça va dans le même sens. Son sens est vrai. Son sens est vrai. Car l'invocation, dua, cela peut prendre deux sens. Dua ou l'ibad. L'invocation d'adoration, qui est une adoration, et l'invocation de demande. L'invocation d'adoration, cela veut dire quoi? C'est tous les actes d'adoration que l'on fait pour Allah. La prière, le jeûne, le pèlerinage. Et les gens se disent, pourquoi on dit que c'est une invocation? Pourquoi c'est une invocation? Allez, répondez. Pourquoi on dit l'invocation d'adoration? Pourquoi la prière, on dit que c'est une invocation? Le jeûne? Le pèlerinage? Pourquoi on dit que c'est une invocation? Qui peut répondre? Fadda. Non. C'est une partie de la réponse. Barakallahu fik. Car pourquoi on fait ces adorations? Pour demander. C'est une demande. On demande à Allah par ses adorations de nous agréer, de nous pardonner, de nous faire entrer au paradis. Donc c'est une demande implicite. Elle n'est pas explicite. On ne la dit pas avec la langue. Mais ces adorations, on les fait pour demander à Allah qu'il nous accepte, pour demander à Allah qu'il nous pardonne, pour demander à Allah qu'il nous fasse entrer au paradis. N'est-ce pas? Donc celui qui fait une de ces invocations d'adoration pour autre qu'Allah a donné un associé à Allah. La deuxième partie, la deuxième catégorie, c'est la dua ou al-mas'ala. Celle où on demande explicitement à Allah. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, donne-moi. Ya Allah, octroie-moi une descendance pieuse, par exemple. Cette invocation, elle est aussi spécifique à Allah si c'est dans ce que Allah seul est capable de faire. Et elle est permise pour autre qu'Allah avec quatre conditions. Elle est permise pour autre qu'Allah avec quatre conditions. La première condition, c'est que la personne à qui on demande, elle soit vivante. La deuxième condition, c'est qu'elle soit présente. La troisième condition, c'est qu'elle soit capable. Capable de mettre en pratique cette demande. Et la quatrième condition, c'est que l'on sache que ce n'est qu'une cause, qu'il n'est pas capable de le faire sans la volonté d'Allah. On répète les quatre conditions ? Allez, Ibrahim. Quelle est la première condition ? Qu'elle soit vivante. Après, qu'elle soit présente. Que l'on sache que c'est une cause. Et là, il en manque une, la troisième. Qui te donne ? Oui ? Comment tu t'appelles ? Suleyman, c'est quoi ? Qu'elle soit capable. Qu'elle soit capable de mettre, de faire cela. Par exemple, si quelqu'un demande à son frère qui est en face de lui, aide-moi à porter cette table. Amène-moi de l'eau. C'est une demande. C'est une dua. Dua en arabe, c'est le fait de demander. Donc, on demande à une personne qui est présente, qui est vivante, qui est capable de me ramener de l'eau, et on sait que c'est qu'une cause. Si Allah veut, il ne peut pas me ramener de l'eau. Par contre, si une de ces conditions venait à manquer, par exemple, une personne est à l'autre bout de la terre. Oublions aujourd'hui qu'on ait les téléphones et Internet. On ne peut pas l'appeler, par exemple. Et on dit, oh, un tel, donne-moi de l'eau. Là, si la personne fait cela, c'est qu'il a une croyance en cette personne. Il croit qu'il est capable d'agir sur l'univers. Et c'est pour ça qu'il l'invoque, d'ailleurs, qu'il lui demande une chose qu'il puisse faire de l'autre bout de la terre. Bien sûr, il n'est pas capable de le faire. Il n'est ni présent, ni capable de le faire. Donc là, il l'aura invoqué d'une manière qui n'est propre qu'à Allah tabaraka ta'ala. Pareil un mort. Un mort, c'est fini. Il ne fait plus de bonnes actions. Idha mat ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'interrompent. Il ne peut plus faire d'actions. Ni il peut faire du'a pour toi, ni il peut faire du'a pour lui-même. C'est fini tes œuvres. Toi, tu peux faire du'a pour lui. Toi, tu peux faire du'a pour lui. Yeah. Et il y a plusieurs preuves authentiques du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvant clairement que l'invocation est une adoration propre à Allah tabaraka wa ta'ala et que celui qui la dirige vers un autre qu'Allah est un associâtre polythéiste. الله تبارك وتعالى دي في سورة الرعد والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يا الله تعالى في سورة الأحقاف دي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Dans le sens de sa parole, Allah Ta'ala dit: qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne peut pas lui répondre jusqu'au jour du jugement dernier? Et ils sont en plus insouciants de leurs demandes, c'est-à-dire ils ne les entendent pas. Et quand les gens seront rassemblés, ils seront leurs ennemis, et ils renieront leur adoration qu'ils leur vouaient. Donc dans ce verset aussi, Allah Ta'ala a parlé, a nommé ad-du'a, l'invocation, adoration. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Et dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Ibn Mas'ud, celui qui meurt alors qu'il invoque en dehors d'Allah un égal à lui, entre en enfer. Entre en enfer. Et le hadith que l'on explique ici, dans le hadith que l'on a lu ensemble, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation, ad-du'a'u huwa al-ibada, et l'adoration même. Le dernier hadith que nous allons voir ensemble aujourd'hui, inshallah. Bismillah. الحديث الثاني عشر عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرأت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقالوا فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله الذنب في عند الله à tourner autour de leur tombeau, à égorger pour eux, à sacrifier pour eux, à faire vœu pour eux. Tout à l'heure, on a parlé du vœu, que c'est une adoration que l'on voit à Allah. Celui qui fait un vœu pour autre qu'Allah, il lui a donné un associé, pareil. C'est un acte de polythéisme majeur, faire un vœu pour autre qu'Allah. Donc voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur ces hadiths. Et on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de l'importance au tawhid, au monothéisme pur. Et comment il a fermé toutes les portes qui mènent au polythéisme et à l'associatrie. Même les portes lointaines, même jusqu'au point d'interdire de faire une adoration pour Allah dans un endroit où les gens ont adoré auparavant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on voit cela, on voit donc la gravité de ce péché qui est le polythéisme. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas pris toutes ses précautions pour que sa communauté ne tombe pas dedans. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum.